Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? En manchette ce soir, il y a quelqu'un qui semble être enfermé avec de la musique puis des violons. Danny Daniel Gabriel en première position sur écoutez.ca, juste un peu en haut de ma lajube. C'est fou. Puis hein? Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est grâce à nous autres. C'est grâce à nous. C'est nous autres qui l'a fait que sortir Danny de l'ombre. Que Daniel Gabriel est sorti de l'ombre et puis il est là la semaine prochaine. Parce que c'est la nouvelle lune. J'ai vraiment envie de comme me toucher longuement en manchette ce soir. Alors, ce soir, Tommy Godet a envie de se toucher longuement. Hey, Colin, tiens, il est là. Voilà, vous écoutez thème, 66% avec le thème là, d'Edgar Borry. Edgar Borry qui va jouer là. Qui est après Daniel Gabriel sur MySpace. Des ennuis sous les stars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutant du temps doux, vacant dans les chanchous. Les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh! Oh! Oh! Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux doutent à nu. Vive le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. C'est tellement Edgar Borry. Puis la semaine prochaine, on va tellement avoir Danny Daniel Gabriel à 70%. Puis on a tellement hâte. Et il va faire 3 tunes live. Oui, avec sa guitare. On a entendu dire. Sinon, ben, je vais me lancer tout de suite dans la trame sonore de fond. C'est encore une fois ma très, très préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'excellent Tecmo Secret of the Star. Le role-playing game le plus infect de tous les temps. On a réussi à passer au travers. Il paraît que le dernier boss est encore plus plate qu'on pense. Puis moi, j'ai payé un gars 120$ pour qu'il se rende. Il l'a tout enregistré, bien sûr. On va pouvoir être témoin de ça. On a Belzébrut aussi. C'est quoi ces 4 personnes? Il y a Caroline qui est contente. Ben oui. Ben oui, elle assume qu'elle est contente. Hein. C'est pas de sa faute, c'est son mood. Ah, il y a Eric là-bas. Eric qui parle. Vas-y, parle encore. Ah, oh, il parle encore. Ok, t'as pogné comme le micro qui est brisé, toi. Je vois qu'ils ont mis une belle slide. Elle s'est rendue le micro numéro 4. By the power of Shock FM. Maintenant qu'on a un micro 5, on n'a plus de 4. Ah, oui, c'est ça, une affaire à la fois. L'entropie est conservée. Sinon, là-bas, il y a Jocelyn. Hello. Il y a Jean-Patrick Bertillon. Ben oui. Et puis, là-bas, il y a un accordéon qui est pendu au cou de Julie. Ben non. Amélie. Mais Jean-Patrick n'est pas dans Belzébrut, bien entendu. Non, Belzébrut, attends un peu. Là. Brut, pardon. Wow, là, c'est pas 2 erreurs d'affilée, là, sinon on a l'air vraiment à Salut Amélie, excuse-moi. Vas-y, gueule de quoi, là, con? Allô, Tommy! Tiens, on n'a même pas l'air schizophrène. Hey, sinon, le film de ce soir, c'est... Hey boy, juste de le dire, c'est pénible. Devil Story, ça a un nom comme en anglais, parce que le gars, il pensait traverser l'Atlantique avec ça. Finalement, il est resté chez eux pour toujours. Bernard Launois, en 1985, qui a eu une des moins bonnes idées de tous les temps et qui en a fait un film. On va écouter ça au brouhaha, puis on va écouter des petits bouts ici tantôt. Étienne, est-ce qu'il y a un nom à l'aspect de ce que va prendre ton univers ce soir? Pas tellement, c'est un petit peu pêle-mêle. Ouais, t'es en train de faire des recherches. On va appeler ça peau particulièrement pourrie. Voilà. C'est tellement diplomate. Puis toi, Bruno, ben, en manchette, ça soit. Moi, je vais parler de plein d'affaires, là. Cambriolage, là. Puis du monde qui font des affaires qu'ils devraient pas faire. Là. Ah, ça a bien l'air de ça. Moi, de mon côté, ben, je suis venu juste parler rapidement. Je vais parler du nouveau Rhino. Ah. Qui est une monnaie imaginaire qui existe pour vrai malgré tout. Bon, ben oui, quoi. Ça prend beaucoup d'imagination. Moi, je cherche ici. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Tout de limite, Anna Nichols tue avec un CD. Non, on veut pas voir ça. De toute façon, vous pouvez pas le voir. Ouais, hey, ça, Voices That Care. Tu sais, moi, j'aime bien ça, ces mouvements-là de monde, d'artistes qui se ramassent ensemble, puis qui se pluguent les uns les autres, puis qui regardent tout le temps la caméra en ayant des émotions, puis qui nous chantent le monde qui souffre. Comme tandis qu'il y a à peu près autant de salaires dans la salle que le PIB de la moitié des pays du monde. Là. Mais bon, on va peser double clic sur Voices That Care Very Much. Ça devait être triste, en tout cas, quand ils ont enregistré c'est quoi ça. La cause? Hein, ça? Ouais, oh, c'est quoi? Je pense que c'est à cause de Katrina. Ah. Ouais, c'est ça, c'était dans le temps. Ça avait de l'allure. Il y a un drapeau américain, en tout cas. On revient à 70%. C'est chargé à soi, fait que va pas pisser trop vite. Désolé, j'ai de l'information fraîche. Ça vient de Wikipédia, puis maintenant, c'est reconnu comme étant une source universitaire valable. Donc, écoutez, avalez. En 1991, Voices That Care, ça a été écrit par David Foster, Linda Thompson et Peter Cetera. Ça a été enregistré par un super group of popular musicians qui disent là-dedans, là, on va allumer les autres micros pour que les amis aient le droit de parler. Ben oui. Et c'était utilisé pour booster la morale des troupes qui étaient dans l'Operation Desert Storm. C'est vrai que ça donne envie de tuer. C'est qui, ouais, c'est ça, qui ne se sent pas booster la morale présente. C'est clair. 70% tout de limite. C'est pas ça qu'ils jouaient à Guantanamo aussi? Oh ouais. Oui, il y avait des traces. Non, en fait, c'est comment qu'il disait des méthodes de questionnement. Ouais. De questionnement, oui. Intensive. Oui. Eux autres aussi, il y avait des questions. Enhanced. Amélioré. C'est comme s'ils l'ont laissé évoluer. Mais faut pas que tu laisses évoluer tes techniques trop tôt parce que là, les stats montent moins vite. C'est vrai, ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand, mettons, faut que tu te battes contre Charizard? Avec ton Raichu, t'as pas laissé monter. Et voilà, Bruno Corbin, c'est notre scientifique. C'est lui qui s'occupe des nouvelles. Clair. Dès que c'est de la science. Comment l'humanité a évolué cette semaine, Bruno? Je dirais 70%. À peu près. On arrondit tout le temps. Voilà, 70% après. Vas-y, man. D'accord. Il y a Donald Fight de Portland en Oregon qui a plaidé coupable à des accusations de violence domestique et de cruauté envers les animaux. C'est cette partie-là qui est drôle. Le 13 octobre dernier, son ex-copine Sarah Harris affirme l'avoir trouvé chez elle après leur rupture, demandant qu'elle revienne avec lui. Lorsqu'elle a refusé, il s'est fâché et l'a tiré par les cheveux. Ça, c'est la violence domestique. Elle a réussi à s'enfuir. À son retour chez elle, Fight n'était plus là, mais il avait laissé un poisson de son aquarium planté sur le sol avec un couteau. Ça, c'est chien. Ça, c'est la cruauté envers les animaux. Voilà. Donc, Harris affirme avoir pleuré de façon hystérique après avoir trouvé son bêta mort. Le poisson nommé DeLorean était un cadeau de Fight qui a affirmé à la police « Si elle ne peut pas m'avoir, elle ne peut pas avoir le poisson se mêlant dans sa citation de vengeance. » L'avocat de Fight a souligné que son client avait des remords pour l'ichticide. à l'audience qui a eu lieu cette semaine. Le juge l'a condamné à 2 ans de probation avec travaux communautaires et lui a ordonné de suivre une évaluation psychologique. Il n'a plus le droit non plus de s'approcher de Sarah Harris, qui aurait demandé à Fight de payer pour un tatouage qu'elle voulait se faire faire en mémoire du poisson. Cette demande a été refusée par le juge. Hey, je pense qu'il n'a pas le droit de s'approcher des sushi bars non plus. Il a le droit d'approcher le poisson, ça, il n'y avait pas de problème, par exemple. Maintenant qu'il est mort, c'est ça, il n'y a plus de problème. Adieu, bêta, man. Il est mort. DeLorean. He's back to the future. Merci, Bruno. Plaisir. T'en as comment aujourd'hui, des nouvelles? Ben, c'était la première et il m'en reste 5. On aime ça. Uh-huh. Mais en donne une autre, voilà. Oui, c'est chargé d'accord, aujourd'hui. D'accord. Il y a le chef de la police de Dallas, David Kunkel, qui a formulé des excuses publiques vendredi dernier après avoir appris qu'un policier recrue, Gary Bromley, avait donné une contravention à une femme parce qu'elle ne parlait pas anglais. Faudrait l'arrêter. Voilà, alors, après une révision des dossiers, Kunkel a découvert qu'environ une demi-douzaine d'officiers avaient donné au total 38 contraventions similaires. Il affirme que la police allait recommander à la cour de rejeter ces causes et que ceux qui avaient déjà payé devraient être remboursés. Minimum. Le service de police se dit embarrassé par ce qu'ils appellent une erreur de la part de l'officier Bromley, qui, après avoir arrêté Ernestina Mondragon pour un virage en U illégal, lui a donné la dite contravention pour avoir été une conductrice ne parlant pas anglais. Hey, speak white. Voilà. Alors, une enquête des affaires internes a été lancée et Kunkel affirme qu'ils examinent un cas comme de la négligence de la part des officiers et des officiers supérieurs ayant révisé les contraventions. Aussi. De la négligence. Voilà. Eh boy. Suis le code, pas la morale. Hey, JPB, vas-y, man. Oui. Parle de tes affaires avant d'aller faire ça. Là, t'as 3, 4, 5 minutes. Là. Effectivement, ben moi, juste pour dire pourquoi je suis ici en même temps, c'est que la candidate qui était supposée être là la semaine dernière, qui n'est pas... C'est quoi qui s'est passé, là, ben là juste, moi, hein, on aimerait ça savoir, avoir des réponses, s'il vous plaît. Elle va venir s'expliquer, ça, c'est garanti. D'accord. Ceci dit, donc, je m'en viens préparer des affiches avec son directeur ici à l'UQAM. On fait de la reprographie tantôt, donc 200 affiches qu'on va aller mettre un peu partout. Et donc, voilà, moi, je passais parce que il y a à peine une semaine, nous avons créé une monnaie. Et oui, en fait, je vais vous lire un petit pamphlet qu'on a fait qui va tout vous expliquer. Alors, en ces temps de crise mondiale, nous vous offrons de l'art en barre. Votre impôt sert à la guerre. Saviez-vous que le gouvernement minoritaire totalitaire de Stephen Harper dépense plus de 25 milliards de dollars canadiens pour son budget militaire? Cet argent est pris directement dans les impôts. Au parti néo-rhino, nous voulons abolir le budget militaire. Vous pouvez rediriger un montant de votre impôt vers nous afin que ce montant ne soit justement pas employé à faire la guerre. La façon de rediriger une partie de votre impôt, c'est en faisant un don, donc au parti. À quoi ça sert un don? Ben évidemment, à mettre et à promouvoir des candidats à chaque élection. Et nous, on a une devise, c'est de fête en fête jusqu'à la victoire, donc ça sert nécessairement à faire la fête. Par contre, quel est l'avantage de faire un don? Ben, nécessairement, il y a une partie qui est créditée. Alors, par exemple, pour un don de 500 $, nous vous émettrons un reçu de 500 $ qui est bon pour un crédit d'impôt de 350 $. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a un 150 $, qu'est-ce que je fais avec? Ah ben ça, c'était considéré comme un don. Bon. Et la loi nous interdit de vous redonner ce montant-là en argent. Alors, quelle est la solution simple? Ben, c'est de créer, non pas de l'argent, mais de l'art. Et effectivement, on a créé une pièce en or qui est une œuvre d'art, n'est-ce pas, à ART, de 14 carats. 70. Non, ben, j'allais dire 22 grammes. Au départ, elle était supposée avoir 22 grammes, mais c'est un petit peu plus lourd qu'on pensait. Donc, 5,5 grammes d'or, 14 carats. Et sur la dite pièce, il y a Brunhilde. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est la sorcière sur son balai qui traverse la lune. Eh bien, nous, évidemment, on a mis un rhinocéros à la place de la sorcière, ce qui est beaucoup plus... plus cohérent. Cohérent, nécessairement. D'autant plus qu'on vous promet la lune, alors ben, c'était le petit clin d'œil. Et de l'autre côté, ben, il y a un grand 1, un pour un rhino, bien entendu, puis il y a une inscription dedans qui dit « Monnaie imaginaire pour ceux qui sont dans la lune ». Pas qu'il y ait de confusion, là, qu'on s'imagine pas que ça a une vraie valeur, malgré que si vous alliez vendre ça juste pour son poids en or, oui, il y aurait une valeur, mais c'est pas de ça qu'il faut qu'on parle, c'est de l'œuvre d'art. Là. Nous, on n'a pas fait une remise comme ça, non, c'est de l'art qu'on vous remet. D'ailleurs, il y a un petit trou dedans qui permet d'en faire même un pendentif. Mm-hmm. Donc, je suggère à tous de nous faire des dons, parce que je sais que tous les étudiants sont généralement très, très riches et payent beaucoup d'impôts. Oui. Alors, c'est ça, parce que nécessairement, c'est avantageux pour ceux qui payent l'impôt, on s'entend. Ceux qui n'en payent pas, ben malheureusement, ça ne vous donnera pas grand-chose. Et je finis en vous disant que nous avons réussi, nous, dans cette crise mondiale, à faire une monnaie qui deviendra nécessairement la monnaie de tous. Et je peux affirmer sans aucun doute que le rhino vaut plus cher que l'euro. Et oui, parce que le poids présentement en or fait que c'est à peu près 135 $ d'or que ça vaut. Et d'ici Noël, ça risque d'augmenter encore. Donc, nous avons la meilleure monnaie, c'est celle qui monte à tous les jours. Ouais. Parle-moi de l'Iran. C'est celle qui monte avec la récession. qui grandit. Et donc, dernier petit clin d'œil, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre radio. Oui, je suis allé à Val d'Or pour en parler la première fois. Mais je ne me sens pas si drôle que ça, parce que j'avais amené nécessairement tout l'attirail avec moi. En fait, c'est plutôt... pour Tommy qu'on passait là, mais j'en ai profité pour présenter à toute la population de Val d'Or notre première pièce en or. Il me semble que c'était une bonne idée. Franchement, c'était approprié. Puis, sachez qu'aux prochaines élections, il va falloir vraiment avoir une délégation douteuse pour venir suivre ça en Abitibi. Ça va être complètement fou. Ben, c'est bien mieux, c'est moi qui s'en occupe. Ben, c'est ça, je pousse là. Donc, là-dessus, ben, je vous dis à bientôt, puis la semaine prochaine, probablement que la candidate va être là. Probablement! C'est ça, au moins au téléphone. On rajoute des adverbes maintenant, on est prudent. Hey, ben, merci beaucoup, Jean-Patrick. À bientôt. Tu vas faire un tour pour aller voir les amis, puis tu reviens voir les amis, puis on va voir le film à vrai. Effectivement. À tantôt. Hey, merci beaucoup. Merci. Ouais. Ciao. Hey, bye. Étienne Forêt. Oui. Que la souffrance soit notre lot. Oui. Eh bien, écoute, ça sera pas facile aujourd'hui. J'ai beaucoup de belles choses. J'ai continué à sampler des affaires qui vont être vendues à l'enquin douteux du 21 novembre. Je vais commencer par quelque chose de très accessible. Pardon. Il s'agit de Wilbrod Boivin à l'harmonica. Donc, je pars ça, puis on en parle en même temps. Ah, c'est rassurant du Wilbrod. Donc, Wilbrod Boivin, ça, c'est le genre d'album que je les écoute toutes, puis j'essaie d'en trouver une qui se démarque pour pouvoir la porter ici. Puis finalement, il n'y a pas une maudite qui se démarque. C'est 10 fois la même maudite tune. Donc, à part, s'il n'y avait pas de pause entre les tracks, là, ça aurait l'air comme une longue shot d'harmonica. Un opus. Ce qui est intéressant, c'est la pochette où on voit deux pitounes habillées serrées tenant chacun un feu de Bengale debout sur une harmonica géante. Puis là, ça te donne le goût de l'écouter, puis là, tu l'écoutes, puis finalement, c'est ça. Là, tu revires la pochette de bord. En arrière, tu as la photo de Wilbrod Boivin, moustachu, lunettu et cravatu, qui doit avoir à peu près 70 ans, qui a l'air tout sérieux, qui sourit même pas. Donc, ça contraste un peu avec l'envers. Oui, l'envers et l'endos. Le département marketing n'était pas trop adapte de ce que le produit final avait l'air. Tout à fait. Puis on réalisait à la dernière minute, hey, on n'a pas mis la photo de Wilbrod. Donc, vous pourrez donc miser là-dessus très cher, l'acheter à l'encan douteux et le détruire. Sinon, à part de ça, ça, je l'ai fait jouer plein de fois. Je le repars rien que parce que je veux encanter une copie de cet album-là. Donc, le très connu album de Nathalie Simard qui chante La danse des canards. Donc là, il y a des amis ici qui font les gestes, c'est bon. Donc, cet album-là, je rappelle que sur la pochette, il y avait le message subtil que Nathalie lançait au peuple québécois qui n'a rien compris, les yeux et les oreilles fermées, car on voit derrière Nathalie Simard un gros chat noir qui a l'air méchant, qui essaye de la prendre par derrière et la surprendre. Elle ne le voit pas du tout. Puis le canard en avant, il a comme l'air coquin complice. Donc, c'est clair qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Moi, je compare ça encore une fois à Paul McCartney, nu-pied, sa pochette d'Abbey Road. Ça voulait dire quelque chose. Donc, cet album-là et sa pochette vont être en vente à l'encan douteux. Et sur cet album-là, il n'y a pas que cette chanson. Il y a également ceci qui est fort intéressant. Donc, peut-être que vous reconnaissez la chanson originale. Il s'agit évidemment d'une reprise. Ah oui, je veux m'amuser. Et voilà. Que c'est vraiment fantastique. Donc, elle est aussi bonne que Olivia Newton-John. On rappelle que le clip original de Let's Get Physical a été interdit dans plusieurs pays. Oui, tout comme la pédophilie. Riez pas, c'est vrai. C'est des vrais. C'est pas n'importe quoi. Hein? Beaucoup de pays où c'est interdit, à part l'Arkansas. Et voilà. Oh oui, je veux m'amuser. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je veux m'amuser encore. On se penche par en avant. Attention. Plusieurs possibilités de penchage pour s'amuser. Hey, il est terminé. C'est bon, hein? Ouais. Alors, Nathalie Simard bougera tout son corps pour vous si vous achetez cet album-là. Ça, c'est en plus sur il y a la danse des canards, il y a ça. Et je vous fais jouer une petite toune rapidement de Chantal Paris. Je pense que je l'ai déjà passé. Hey, ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait longtemps que t'as fait jouer du Chantal Paris. C'est vrai, hein? Je pense que je vais en faire jouer plus la semaine prochaine. Je me rends compte que je l'ai négligé. J'étais parti sur Sylvie Vartan puis Chantal Renaud. Hey, il est vraiment elle est sortie avec Carl Williams, lui. Lui. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Elle est sortie avec Carl Williams, puis elle a d'ailleurs volé elle a volé des vêtements, des gants, je crois, dans un labé pour dénoncer la convergence qui faisait que Carl Williams n'y avait pas de contrat. Puis, c'était ça son but. Là. Quand elle s'est fait pogner, c'était sa défense, en tout cas. Je sais pas si c'était son but. C'était un acte de dénonciation. Oui, ah oui, ça dénonçait tout. Là. Elle était vraiment contente de s'être faite pogner. Ah oui, heureusement, parce que sinon, ça aurait été con. Elle aurait rien qu'une paire de gants gratuits et il n'y aurait rien eu de dénoncer. Ben, en fait, c'est parce qu'elle voulait les clouer sur un raton laveur, je pense. C'était ça au départ, le but. C'était le ça but qu'elle allait dénoncer. Là, ouais. Elle s'est faite pogner avant. Avec les gants. Parce que moi, c'est sûr que quand je pense, je vois quelqu'un sauver avec quelque chose dans les mains. Je suis témoin d'un vol à l'étalage. Je me dis tout de suite, maudite convergence de marde aussi. Ouais, écoute-moi, c'était très mollo là, toi. Ah, c'est beau. C'est Padre Don José. Tabarnak! C'est comme un fisting audio. Dans vos tympans. Alors, dans cette chanson-là, Chantal Perry s'est faite domper par Padre Don José, qui semble être un genre de prêtre mexicain tiré tout droit de la sœur volante. Puis là, elle est pas contente parce qu'il avait dit c'est pour la vie, puis il est parti. Mais j'ai découvert qu'une pièce qu'on entend pas souvent sur l'album de La Danse des Canards de Nathalie Simard, ben c'est celle-ci. Donc c'est grosso modo la même affaire, mais elle a changé un peu les paroles, puis elle a remplacé les vrais instruments par des synthétiseurs. Fait que c'est de la méta-cochonnerie à son meilleur. Étienne! Wow. Hein? Il va être en vente à combien? Il va être à l'enchère. C'est ça. Fait qu'il va être en vente autant que t'es capable de miser. Puis Simon Predge va être là, fait que... Fait que ça va sûrement coûter cher. C'est ça. Mais ne serait-ce que pour le prendre puis le casser en deux, là, ça vaut la peine d'aller mettre un bon 20$, me semble. Je vais aller faire autographier, moi, par Nathalie Simard. Pour vrai? Puis après ça, il pétait dans la face, genre. Ça serait une bonne idée. Qu'est ton maudit disque? Non, mais de toute façon, elle a dit en entrevue qu'elle n'en donnait plus des entrevues. Non, non, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ça, ça va être dur à rejoindre. Ben là, apparemment que, je sais pas, là, c'est confirmé à 100%, mais apparemment qu'elle va être au Centre Laval la fin de semaine du 7-8 novembre ou 8-9, je sais plus trop quel jour. Fait qu'on pourrait aller le faire signer là-bas. Attendez, ouais. C'est tournée de promotion pour les DVD du village de Nathalie. Oui. Mm-hmm. Fait qu'elle va être là. Elle est probablement rendue avec les droits de toutes ces affaires-là. Que c'était bon. Ouais. Ouais. Oui, c'était bon. Parce que c'était en plein dans la belle période. Oui, c'était dans le temps que les émissions pour enfants étaient bonnes. Oui. Pour ouais, que le monde grandisse. Bruno Tailleul. Ah oui, hein. Dans ce temps-là, ils étaient toutes bonnes. Ouais, tout était bon. Vous en souvenez pas? Non. Ben moi, je me rappelle. Vous en souvenez pas comment c'était mieux avant? Bon? Ouais, ben oui. Si seulement je pouvais revenir à un autre endroit puis à un autre moment qu'en ce moment, j'étais tellement plus nostalgique. Ah oui. Mais dans mon temps, on était bien plus nostalgique que ça, par exemple. Fait que tout ça pour dire que Padre, dans cette chanson-là, c'est. Oh, il laisse. C'est juste le père de Nathalie Simard, fictif dans la chanson, qui est parti. Donc, au lieu de se faire domper par son chum, ben elle se fait domper par son père, finalement. Puis là, elle est aussi triste que l'autre. Regardez. Aïe, interminable. Elle faisait une dernière après ça, là, c'est assez. Oui, oui, parce que là, c'est okay, parti. Hein. OK, regarde, j'en mets une... Non, attends, je vais pas toutes mettre mes bonnes tout de suite. Je vais en mettre une moyenne. Un autre super bel album. C'est Bouchard. Je suis tombé là-dessus, je savais pas c'était quoi. Le nom de l'artiste, c'est Yank Bouchard, puis l'album s'appelle Pinceau. Et c'est produit par nul autre que Guy Cloutier aussi, donc il était derrière tous les bons artistes. Et puis, il est derrière, ouais. C'est vraiment pas la première fois qu'on l'a fait. Donc, en arrière de la pochette, justement, c'était écrit avec la complicité de sa sœur Luce Bouchard, qui fait les back vocals. Fait que je me disais, ça peut pas être mauvais. Un gars qu'on sait même pas c'est qui, qu'on a jamais entendu parler, puis il met pas son nom complet sur le disque. Par contre, il met celui de sa sœur comme back vocals. Fait que là, j'ai pris quelques tunes, je vais en faire jouer rien qu'une. Je la dédie évidemment à Evelyne Potvin Cloutier qui était là tantôt. La chanson s'appelle Toutoune. Donc je passe ça tout de suite. Ma blonde me fait des hamburgers. Puis des hot dogs greluche moutarde. C'est vraiment bon. Elle me verse un grand verre de lica. Ça arrive avec hamburger. Presque. Elle me dit bébé, viens te mettre à table. Moutarde, moutarde. C'est à peu près. Le soir, on regarde la télévision. Là, on a Luce en arrière. Y'a des bons films, on trouve ça beau. Et souvent, pendant les intermissions, on fait l'amour en stéréo. Donc, ils font l'amour pendant des pauses de 3 minutes. La blonde me fait des hamburgers. C'est la passion. Puis des hamburgers, je m'entarde. Elle parle plus des hamburgers, par exemple. Elle me verse un grand verre de lica. Elle me dit bébé, viens te mettre à table. T'as-tu trouvé une version Nathalie la fin de semaine, moi, non, ça, ça n'a pas été fait, je pense. Bingo, B 482. Ou bien on se promène en auto. même voir le Canadien. La fleur va compter, c'est certain. On voit que ça date un petit peu. Ma blonde me fait des hamburgers. Ça, on l'a pas entendu. Des hot dogs à l'ish, moutarde. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Ouais. Elle n'a pas changé de recette depuis le début. Non. Un petit bébé vient te mettre à table. Solo. On va l'avancer. S'il te plaît. J'ai 208. Ou bien on se promène en auto. Ça va aller au bingo. Souvent je l'amène voir les Canadiens. La fleur va compter, c'est certain. Bout de drame. Un peu trop long, hein, malaise. Ouais, hein. Ouais, hein. C'est la fleur qui rentre. Ma blonde me fait des hamburgers. Et voilà. Tu fais pas de pas déjà rendu au choubidoua. Déjà. Déjà. On va vite. Ah oui. Un petit bébé vient de mettre à table. Ma blonde me fait des hamburgers. Ah oui, s'il te plaît, un autre fois. D'après moi, c'est la dernière. Il reste 30 secondes, puis on va l'avoir tout. Est-ce que ça va finir avec down, down, down, down, down, down, down? Je te laisse la surprise. Attention. Ma blonde me fait des hamburgers. Il reste de la place pour un autre. Là, ça doit être la fin. Là, c'est la fin. Attention. Un petit bébé vient te mettre. Un petit bébé vient te mettre. Un petit bébé vient te mettre à terre. Ah, il y a pas eu de temps. Mais on pouvait l'imaginer. Ouais, ouais, mais il y a quand même eu. Moi, si je la refaisais, cette tune-là, en tout cas. En méta-cochonnerie. Bientôt, les incendiaires. Check l'autre soupe. Vous l'avez entendu ici d'abord. Bon, ben là, on va écouter Barnes & Barnes. C'est leur version de Fish Head. Ça donne à réfléchir. On va parler avec Belzébrut après. Ouais, c'est promis. Promis. Tellement contente de t'avoir rencontré là. Oh. Ah, on s'entend. Ah, t'es doux, hein? J'ai fait la moisson. Oh! Écoute, si j'aurais pas mal à la tête, si je travaillerais pas demain, si t'aurais une moustache, ah oui, puis aussi si j'aurais pas de chum. Ouais, ben, avec des si, on met pas de ré. Ici Paul Sarrazin, à 70%, au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école dans mon enfance. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir ça. Si c'est pas un gars qui a compris, ça. Ouais. Si c'est pas un gars qui a compris. On avait un sketch de Laurent Aglet avant, avec les si, on met pas de ré. C'est tellement vrai. Ouais. J'ai envie de pleurer. On dit pas assez souvent. Belzébuth, vous êtes né en quelle année? En moyenne. C'est 2002. Ouais. Ça fait 6-7 ans qu'on est ensemble. Ouais, 6-7 ans, t'as dit? Ouais. 6-7 ans. Ah, on ben, est Belzébuth. mais là, je vous regarde, là, est-ce que vous êtes l'entièreté du band? Il manque une personne en ce moment, qui est Clémence, qui est plus au niveau technique, mais qui crée avec nous autres. Clémence, as-tu genre des griffes, des grosses épaules pleines de piques? Des grosses épaules, oui. Parce que vous avez pas l'air d'être ni des Belzébuth, ni des brutes. Oh. C'est en apparence. Mais pourquoi avoir choisi ce nom-là? Ben, parce que c'est beau. Ça remonte à longtemps. On fait notre premier show, en fait, qui se passait dans un restaurant au Fourquet Fourchette à Chambly. Oh. Puis ça se passait au 17e siècle. Et puis voilà, on avait une troupe dans le spectacle qui s'appelait Belles et Brutes. Oh. Puis je sais pas, c'est venu comme ça, là. Okay. On a décidé de garder ça, parce qu'on a décidé qu'on avait le goût encore de travailler ensemble. Oh. On trouvait que ça sonnait bien. Puis ça donne des bons résultats, il paraît, là. Ben, c'est quoi, vous avez fait? As-tu vu le show? Non, j'ai pas vu le show. Spectacle, c'est le capitaine Chavirès qui va vivre des aventures. Ouais. Exactement, il vit beaucoup d'aventures. Est-ce qu'il y a des boules dedans? Oui. Oui, parce que c'est un spectacle de marionnettes, mais pour adultes. Bon, en tout cas, bref, pour tout le monde, mais on a une version plus épicée, puis on s'amuse beaucoup avec le public là-dessus. Oh! Puis il y a beaucoup d'allusions, là. Ah, genre un show adaptable. Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, vous parlez de marionnettes, vous êtes un band. Ouais. Vous êtes un band avec des marionnettes. Un band de théâtre. On fait pas juste de la marionnette, mais nous autres, on a commencé beaucoup en faisant de ce qu'on appelle la courte forme, c'est-à-dire des numéros plus courts. OK. Puis Chavirès, c'est un numéro court qu'on a adapté long. Ah. C'est ça. Mm-hmm. Ben, même dans Chavirès, il n'y a pas seulement des marionnettes. Ben non. Il y a moi. Ah, toi, t'es réel. Là. Moi, je suis vraiment... Ouais. Okay. T'es une vraie personne. Non, moitié-moitié. Pas contrôlé. Je pensais que c'était elle qui te manipulait. Okay, oh, c'est un mix. Ah, oui, je les manipule beaucoup. On aime beaucoup ça, se faire manipuler par Caro. Ouais. Tu veux comme être contente. Tout le monde a l'air content. Ouais. Et puis, quand vous composez, c'est quoi? Il y en a qui sont plus professionnels pour la musique et puis d'autres qui sont plus connaissants à écrire des textes ou vous vous réunissez tous ensemble? On est comme un band de garage. T'sais, on jam ensemble puis ça donne des résultats, tu sais. C'est pas mal ça le call, tu sais. On improvise beaucoup, puis on... Ben oui, il y a Amélie qui est plus côté musical, là. Elle, c'est notre directrice musicale. Elle a un accordéon, là. Ah ouais, puis elle veut pas se rapprocher trop du micro non plus, hein? Ben non, et en fait, moi, je suis la directrice musicale et seule musicienne du band. Okay. Ben, il y a moi qui chante aussi, puis qui joue de la guitare. C'est pas un musicien, mais je joue de la guitare. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a deux couteaux à beurre dans les mains. Il se débrouille. Ça aussi, il est une percussion. Ah ben j'aime ça, hein? Vous avez l'air d'être adaptable et ouvert à toutes sortes de belles idées. Ouais, ouais. Oui, ramener si les l'idée est intéressante, nous autres, on est bien ouverts. Ouais. Et voilà, il l'a dit. Jocelyn, voilà. Man, bravo. Écoute, moi, j'ai toujours une phrase prête. Ça va t'en prendre un autre tantôt, il faut nous faire un indicatif. C'est vrai. En attendant, ben, peut-être nous parler du plus beau souvenir. Vous avez amené Chavirès en tournée. Vous avez fait plusieurs shows. Ah, le plus beau souvenir? Le troisième. Le plus beau souvenir en tournée, on va l'expliquer. Ah oui, on va l'expliquer. C'est l'émission faite pour ça. Lors des 30 ans de Caro, Caroline, on avait bu cette journée-là, mais on avait un spectacle. On était à Windsor, en Ontario. Juste en face de Détroit. C'est surtout aussi qu'on avait souvent 6 personnes dans la salle parce qu'on était à Windsor, dans une ville anglophone, et on jouait un spectacle en français. passait. Et on se faisait beaucoup de blagues dans le show. Et moi, pendant la journée, j'ai comme fabulé sur une blague que je pourrais faire dans le show. Et puis, juste avant de le faire, je me suis dégonflée. Je me suis dit, c'est pas si drôle que ça, parce que je l'avais quand même ri toute la journée. C'est plus drôle. Et finalement, je me suis dit, je vais le faire pareil. Et je l'ai faite. Et ils ont décroché, ils ont ri, même elle a ri, et ça m'a fait rire. Et j'ai tellement ri, et puis que j'ai tellement ri. Attends, c'est parce que Caro apporte juste un petit collant avec une jupe par-dessus, mais c'est un petit collant très léger, legging, mais très léger. Fait que ça alors tient. Voilà, je suis passée à mes 30 ans, je suis devenue une rock star. Hélas, sur scène. Pipi sur scène. Mais pour vrai, à travers son legging coulé sur stage, ça fait qu'à un moment donné, elle disparaît. Mais on ne sait plus elle est où. Je suis tellement une professionnelle qu'il n'y a personne qui l'a vu, juste Amélie, parce que j'ai montré la flaque. Mais sinon, là, ça aurait passé inaperçu. C'est épouvantable. Hein? J'aime ça, t'en parles à rien, ça fait pas longtemps. Elle a essuyé la flaque, puis nous autres, on n'a rien vu. Elle est revenue à un moment donné jouer, on n'a pas compris. Puis après le show, elle nous a dit, j'ai pissé sur le stage. On est-tu après dire que c'est notre plus beau souvenir? Oui, ça, c'est le meilleur. En tout cas, ça ramène des rires pas mal. Oui. Ouais, cette tournée-là, en général, ça a été un beau souvenir parce qu'on à Windsor, elle est au bout du Canada. On n'irait pas plus loin. L'autre bout connu du Canada. C'est l'autre bout connu du Canada. Fait que c'est ça. Non, mais on a eu bien du fun. Une semaine de temps, puis on avait trippé fort. Puis c'est quoi, mettons, là, vous allez nous jouer un petit morceau. Là. Ouais. C'est un teaser de notre show. OK. Moi, je vais baisser le Tecmo, Secret of the Star. C'est un teaser d'un show de théâtre qu'on fait à radio. C'est ça. On a même un teaser sur YouTube. Teaser plus visuel. Ouais. Ça veut dire Belles et Brutes sur YouTube. Vous allez tomber là-dessus. Chavirez. Chavirez avec un C-A-S-H. S-H. C'est bon. Bon, ben on écoute Amélie à l'accordéon. Éric au crayon, au couteau à beurre. Non, on ne vend pas nos punchs, là. Oh, excusez. Ouais, tu sais, le bruitage, tu ne révèles pas ça, là. Je ne suis pas habitué, moi. Oh, non. Quelque part, Antigone. Oh, non. Arrêtez. Regardez. C'est bien vous. Vous êtes bien le grand, l'ultime, l'unique capitaine Chavirez. Oui, c'est moi. Oh, vous êtes venu pour nous sauver. Alléluia, c'est le Messie. Un homme lutte pour sa destinée. En garde, Trébouchenette. C'est tout ce que tu sais faire avec ton épée. En garde, Chavirez. Ah, impressionnant, c'est les amygdales qu'on voit sur le bout de la langue. En garde. Heinz! Sache qu'aucun homme ne m'a jamais passé sur le corps! Moi non plus. Contre un méchant pirate. Méchant. Coucou, non. C'est moi! Non, faites-moi pas mal! Oh, ça fait mal! Oh, pour la deuxième jambe! Sandra! Quoi? Arrête de faire des gags visuels. Pourquoi? On est à la radio. Oh, alors je vais cesser de m'extirper les tripes. Oui, et cache tes seins. Une quête. On enchaîne. Une quête héroïque qui vous mènera jusqu'au bout du monde. Mon fils, sache que les trésors de la famille, il est. Madre, il est où le trésor de la famille? Le trésor de la famille. Ah, il est là. Ne mourre pas. Madre, elle est morte. Belles et Brutes présente Chavirez, le tzigane des mers, au théâtre Mainline, le 30 octobre, 3997 Saint-Laurent, Montréal. Wow. Excellent. On a tellement le goût d'y aller maintenant. Vendredi prochain à 8h au Mainline. 39,97, je ne me suis pas trompé. Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est ça. Montréal. Saint-Laurent. Très beau saint en passant. Ouais. Oui, hein. Et elle le sait, hein. elle est pas qu'on va mettre une toune. On a du monde qui vient. Tu sais d'où ça vient, belles et brutes? Ouais, ah ouais, j'avais catché tantôt. J'ai des yeux, tu sauras, ma chère. Hey, sinon, ben, si on passe au travail, c'est peut-être rendu à moi de parler du film. Ah, tu vas parler peut-être. Du film, toi? Ouais. Ouais, ok, c'est bon, moi je vais regarder Star Trek Undiscovered Country pendant ce temps-là, parce que... Parce que ce film-là, je suis pas capable. T'es pas capable? Ça veut dire que tu viendras pas l'écouter à soir? Ouais, je vais venir l'écouter à soir, là, mais là, je vais regarder Star Trek Undiscovered Country. OK, on va laisser Bruno. On va laisser tranquille. Petite ambiance, on se met dedans. Là, c'est comme le début. C'est très, très long avant qu'il y ait quoi que ce soit qui... C'est pas facile de parler de Devil's Story, Il était une fois le diable, le film de Bernard Launois qui nous date des années de jadis. Premier texte, en fait, qui est lu de tout le film, on va l'entendre ici. Vous ne connaissez pas une station service, monsieur? Et donc, le pauvre air a eu le malheur de demander au... Est-ce que c'est un zombie? Est-ce que c'est un tas de latex? Est-ce que c'est un acteur? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là tout le temps avec sa trame sonore qui fait tété, tété, tété, tété, tété, tété, tété, tété, tété, tété. Tiens-moi la merde, c'est mieux. Ouais, parce que là, on a vraiment pas l'idée, là. C'est bien, bien mieux. Le petit violon aussi pour mettre du suspense. Premier extrait que je vais plugger est à 12 minutes 50 pour l'instant. Je vais lire mon texte parce qu'on a l'onde audio. Pépé, pépé. Non. Devil's Story, version originale. Il était une fois le diable. Découvert quelque part en 2003, Devil's Story se veut le sommet de ce que le douteux d'horreur et d'ambiance peut atteindre. Souvent, quand je termine un long métrage résolument douteux, j'aime m'imaginer toute l'équipe savourer leur produit dans une salle de cinéma privée, bouteille de champagne et autres gudules au devant pour fêter ça gaiement. Après avoir écouté tantôt La Bête, je suis pas mal sûr qu'il reste des bouteilles de champagne non débouchonnées dans une salle de cinéma prétendument hantée quelque part en France. Bernard Launois, le réalisateur du film, avait fait ses armes avec d'autres longs métrages tels que Lâcher les chiennes en 1972. Les dépravés du plaisir en 1975. Les machines à sous en 1976. Touche pas à mon biniou. 1980. Sacré gendarme, ça a l'air intellectuel, ça. En 1980. Pour terminer en 85 avec Il était une fois le diable. Depuis, plus rien. Et on va très vite comprendre pourquoi. Devil's Story, c'est long. C'est très, très long. C'est très, très, très, très, très long. En fait, même si ça fait seulement 72 minutes, Hey, l'audio, écoute-moi ça. Ça fait peur, hein? Celui qui grogne, qui fait... Il grogne dans sa manche, Même si ça fait, c'est difficile à lire. Même si ça ne fait que 72 minutes, ce long métrage est dans les plus très, très, très longs métrages que vous aurez croisé dans votre vie. S'il vous plaît, prenez bien en note ce qui suit. On chasse le chat. Ça ne va pas s'améliorer. À n'importe quel moment du film, si vous avez envie de baisser les bras, dites-vous que ça ne va pas s'améliorer. Si la redondance inexplicable et à jamais inégalée vous tombe sur les nerfs, à un point où ça fait mal, redonnez-vous du courage entre vous en vous disant que ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va jamais s'améliorer. Et c'est là que le doute se cache, car en étant conscient que ça ne va jamais s'améliorer, On en vient à atteindre une zone sensible dans notre tête, un endroit où la raison et le doute, par force de redondance et de perte de temps, et de s'entremêlent pour créer une euphorie totale, vraiment unique. Et peu de films peuvent se vanter de nous permettre d'atteindre un rire d'une telle pureté par ce chemin qui est la plus plate des platitudes. Dans cette bouillie informe dépourvue de commencement, de milieu ou de fin, vous allez voir un cheval, un vieux monsieur qui essaie de tirer dedans un coup de chevrotine aux aurores. Est-ce une métaphore? Personne ne le sait. Vous allez voir une momie, une héroïne qui parle aigu, un zombie mal léché qui trimballe avec lui, une trame sonore de trois mesures, une vieille sorcière des naufrageurs, la maquette du bateau qui sort de la falaise, le chat noir, l'utilisation de clichés gros comme MNPNS. On va même parler de Napoléon. Paraît que ça rapporte. Les sorties sont par où vous êtes rentré. Et puis ce film d'horreur-là en est un qui va vous hanter pour toujours. Vraiment. C'est du -8, -8.5. Mais seulement la première fois. Puis si après on veut le réécouter, je comprends pas. C'est jamais arrivé, fait qu'on sait pas. C'est ça, il faut être prêt. T'sais. Faut pas que tu te dises, moi je vais écouter Il était une fois le diable, puis même si ça me tente pas en commençant, à un moment donné, je vais aimer ça. Ça se fait pas. L'appétit ne vient pas en mangeant non, dans ce cas-là. Non. Donc, on est à 12 minutes 50 à l'intérieur de la dite bête. On va peser plein, on va rencontrer notre héroïne qui, après une panne en auto à côté de la falaise qui va devenir une maquette tantôt, va dans le bois et panique. Ça fait ça, les filles, tu sais. Ah oui. Voyons, chérie. Pourquoi t'es-tu éloigné? Il est extrêmement calme, là, pour regarde mes mains. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. Allez, viens. Viens, nous repartons. La voiture est réparée. Oh, on a vu un chat noir. Ça m'est égal, je reste ici. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux rentrer à la maison. Hey, la passion. Je veux rentrer à pied. Elle veut rester ici et rentrer à la maison. Laisse-moi tranquille. Elle va être un SP, hein. Acting. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi on s'est perdu? Pourquoi on s'est perdu? Allez, viens, je t'en prie. Parce qu'on n'a pas pris le bon chemin. Il y a un village à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes presque arrivés. Arrivé! On arrive toujours avec toi, puis on arrive nulle part! Et mes mains, tu les as vues, mes mains? Qu'est-ce que tu peux y faire? Qu'est-ce qu'ils ont, ces mains? Elles sont très belles, ma chérie. Elles sont noires, c'est ça que je t'ai épousé. Ouais, c'est ça, hein. Pas trop, là. Elles sont très belles, c'est pour ça qu'il l'a épousé. Ouais, c'était pour ses mains. Et un chat noir tout le temps dans le gazon. Les épis. Est-ce une métaphore? On sait pas. On le saura jamais, mon gars. Probablement pas. On le saura jamais, j'ai dit. Il s'exprime ici. Incroyable. Là, on a une petite... en fait, on regarde la falaise, c'est très important. L'utilisation dans le cinéma de certains clichés en est une qui, à un moment donné, les clichés, tu sais, ça devient un cliché parce qu'on l'a vu souvent. Mm-hmm. Là, c'est le soir, il fait noir, puis il arrive au gros manoir hanté, on va écouter. Ouais, ça, c'est jamais vu. C'est une bonne idée d'utiliser ça, hein, comme chanson. Est-ce qu'il va dire... Je vous amène jusqu'ici, mais pas plus loin. Non, en fait, on va y revenir. C'est quoi ça? C'est du plastique Bertrand, je pense, la tonne? Ouais, je pense que c'est ça. C'est Astérix, c'est là. C'est comme de mettre, mettons, tu sais, Carmina Burana, là, Orf, là, de mettre ça quand il y a du monde qui se font sacrifier, là. Ouais. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça à un moment donné. Ça, ça serait pas pire. Donc, on va écouter d'autres séquences tantôt de l'excellent, que dis-je, l'excellent, le transcendant. L'immanent. Ben oui, c'est ça. En attendant, c'est Men at Work, Down Under. Merci beaucoup, Belzébrut. Merci à vous autres. Oh, vous restez là, là. On va en reparler tantôt. J'aimerais juste dire qu'il semble y avoir un complot dans la Federation of Planets. Là, il y a des Klingons qui se sont fait assassiner. Oh. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie d'empêcher un traité de paix là, entre les Klingons puis la Fédération des... Bruno Corbin aux nouvelles à 70%. Hey, Men at Work, c'est une de mes tunes préférées de quand j'étais petit, ça. Elle est super bonne. Puis si vous l'aimez pas, dites-moi le pas parce que je vais être triste. C'est bon. C'est... fight had come big. On a hippie trailhead full of zombies. Ah, mais mêlé pendant que je vois l'autre bon. Hey, parle-moi, bébiche, là. Hey, comment ça va, Nonde? C'est Dredge. Ben oui, on a deviné, là, t'appelles quand je pars ma toune. Ben oui. Ah, ben, qu'est-ce que ça? Moi, j'aime ça, foutre la merde, si tu veux. Est-ce pas que vous enlevez pas trop de mon pénis, là? Ça va, ça non, va. On l'a dessiné sur la table, puis on le regarde, puis on s'ennuie. Bon, bon. Ben, moi, ça m'écœure en asti, je peux pas être avec vous autres cette semaine, fait que, tu sais, je manque toute la gang de chicks qui est avec vous autres aujourd'hui. Ben ouais, c'est sans doute pas mal mieux que d'habitude dans le studio pour faire un changement, tu sais. Ouais. Mais vous inquiétez pas, mes pitons, vous avez juste à demander mon numéro de téléphone à Tommy, puis on s'arrangera une petite date. J'ai jamais fait de trip à trois avec des marionnettes. Moi, je serais bien partant pour essayer ça. Il est tellement ouvert d'esprit. Fait que cette semaine, j'étais censé faire ma chronique sur le monde merveilleux des nains, mais et ses produits dérivés, bien évidemment. Mais je vais devoir remettre ça la semaine prochaine parce que je suis encore fait fourrer assis par un beau cave qui est mon chef. Et oui, je suis sous-chef cuisinier dans un lieu qui désire garder son anonymat. Mais tabarnak que je travaille avec un hostie de chef crétin. Tout d'abord parce que c'est un Français, fait que d'avance, on sait que c'est un tata avec un syndrome de demi-dieu prétentieux. Puis en plus, faut que je travaille en double parce qu'il calisse absolument rien puis qu'il met tout ma faute. Ah, si l'autre fois, il était fier d'étaler sa pédance, parce que pour lui, 15 ans d'expérience en cuisine, c'était insuffisant pour savoir comment faire un œuf de soupe à l'oignon. D'un coup qu'il a terminé sa recette, ça goûtait l'eau, tabarnak, pis son premier réflexe a été me demander qu'est-ce que j'ai fait avec. Le sacrament. J'ai pas touché à ta soupe, t'es juste pas. J'étais même pas capable de réussir des astuces de grilled cheese, tabarnak. Fait que j'ai donné ma démission en bonne et due forme, parce que je suis plus capable de voir la face. J'ai juste envie de rentrer dedans, man, avec mon beau doseur, pis tout, pour toute la petite qui m'a volé, qui reste d'escroc de marbre. Fait que je donne mon deux semaines de prévu, puis en profite à ce temps-là pour se sauver en France, prendre une huitième semaine de vacances en deux mois, puis me laisse seul avec les cuisines à gérer, ainsi qu'à mon seul but est de décoller du site. Hostie, il s'attend à quoi, lui-là? M'a sacré une poignée de piment de Cayenne dans le poêlon, puis va mettre le feu dans le tapis pour le chauffer à blanc. Ils vont être obligés d'évacuer à la place pour trois jours avant que le piment de l'air se dissipe. Puis chaque jour, ils vont se mordre les lèvres puis saigner des yeux, hostie. N'empêche que des caves, il y en a partout. On a souvent mis avec les réglementations d'objets légaux des avions, là, surtout depuis 11 septembre, tu sais, comme par exemple l'interdiction d'apporter des rasoirs ou des coupons, tu sais. Mais tabarnak, vous le croirez pas, mais il avait raison aussi. Mercredi dernier, je vous le jure que c'est vrai, il y a un gars au Soudan qui a essayé de détourner un avion d'Égypteur avec un couteau en plastique, asti. Oui, oui, un couteau blanc en plastique qui venait avec son plateau repas. Il a débarqué dans le cockpit. cockpit. Excusez, j'aime ça, c'est le mot cockpit parce qu'il y a le mot cock dedans. Anyway, il a débarqué dans le cockpit avec son petit crisse de couteau en plastique, puis il a menacé les pilotes pour aller à Jérusalem au lieu d'aller au Caire comme prévu. Évidemment, la sécurité, il a collé une volée, puis ils l'ont crissé en bas de l'avion. Mais le gars, il a quand même essayé, là. Quel ciboire de moron, voyons. Donc, sinon, il y a la Société des Transports de Montréal cette semaine qui tient à nous rassurer qu'elle sera prête à faire face à toute éventualité d'une pandémie de grippe H1N1 dans les métros. Mais qu'est-ce que c'est ça, calice? Ils nous prennent vraiment pour des caves. Les métros, c'est des lieux, c'est les lieux les plus insalubres de Montréal. Fait que c'est quoi ton plan d'urgence, là, mettre la feu dedans? Sacrement. Anyway, y a-t-il quelqu'un qui l'a vu passer à la grippe porcine? Moi, j'ai rien vu. J'ai eu une petite grippe de tapette, mais c'est pas mal tout. Ils cherchent juste à nous faire peur pour nous vendre plus de médicaments puis des maudits vaccins de jus d'orange. C'est la même chose qui se passe avec les scandales de travaux publics puis Nathalie Simard. La mafia, là, elle soudoie les ministres pour avoir les contrats de travaux publics à prix de fou. Ils font une job de marde qui s'éternise pendant 8 ans. Des jobs qui devraient prendre une semaine max. Puis ils ont le moyen de botcher le travail pour être sûr que ça va être à refaire l'année suivante pour avoir encore des contrats. Puis là, la route tourne puis y a rien qui change. On joue à roulette russe, mais avec un gun chargé à bloc au Québec, est-ce-t-il? On est en train de s'endetter comme des astis de poney parce qu'ils dépensent à gauche puis à droite des affaires qui ont pas rapport. Ça se demande aussi que ça peut couper pendant que ça se tape des banquettes 2 millions, est-ce-t-il, avec Nathalie Simard comme danseuse burlesque sur les bras des contribuables. Est-ce-t-il, je pense qu'ils ont jamais eu autant de scandales politiques dans les médias. Mais c'est pas parce qu'il n'y en avait pas avant, là. C'est juste parce qu'ils en parlaient pas. La mafia contrôle le business depuis les années 50, mais ils s'en mettent plein les poches, puis tout le monde le sait. Mais personne n'en a parlé avant parce qu'on était un peu de peureux puis de paresseux. Tant qu'ils ont leur nouvelle saison de Virginie à TV, ils se crissent bien du reste. Mais en même temps, c'est toute une question de médias. Si on en parle, c'est parce que les médias ont décidé que ça nous intéressait. C'est eux qui ont le contrôle, puis qui font ce qu'ils veulent, qui parlent, ben, là, là, là, là. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est sûr que non. Ils font bien trop de cash sur notre dos pour ça. S'ils vont pas arrêter, là, le choix des nouvelles est très sélectif. La preuve, mais, c'est virgule que je parle. Comment? Même virgule que je parle, là. virgule. Parce qu'il y a deux affaires. un, j'aimerais que tu parles plus souvent de Myriam Bédard. Ah. C'est vrai, hein? Et puis deux, est-ce que t'as pris ton médicament? Fuck, je suis démasqué. Ouais, non, mais, sinon, ben continue. Ouais, mais là, regarde. Si, ben, ah, tu sais, bon, voyons, hein, bon, commence pas, là. C'est ton chef français, il est en arrière de toi. Ben regarde, je vais conclure avec ceci. Si les médias, si ils nous parlent juste de la merde, là. Regarde, il y en a des affaires qui se passent pas parce qu'il se passe rien, là. Il y a eu 130 morts dans un double attentat à Bagdad samedi. 130 morts. Vous saviez ça, hein? Ben non, vous le saviez pas, parce que vous en collissez, pis les médias le savent, ça. Fait qu'à la place, ils nous passent des nouvelles chocs, comme un accident de la route qui a fait un mort parce qu'il était 7 jeunes compactés d'une voiture Kia à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Hey, ça, c'est de la nouvelle! Des années 60, il embarquait 28 d'une coque, Snell, pis ça intéressait pas personne. Pourquoi aujourd'hui, ça nous toucherait plus qu'un génocide pis les terroristes? C'est une coque Snell, coque! Snell, coq. Encore le mot coq qui revient. Anyway. Mais revenons à nos moutons. Arrêtez de me déconcentrer avec vos histoires. Là. Je le sais que vous êtes jaloux de mon gros pénis, puis c'est pas une raison de me couper la parole. N'empêche que, parce qu'ils ont décidé que ça allait être ainsi, ben, ils parlent juste de ce qu'ils veulent, puis nous autres, on est pognés avec la marde. Si, moi, gars, vais te donner un exemple en terminant. Là. Admettons que t'es au restaurant avec une pitoune qui joue de l'accordéon, là, puis pendant que t'es parti aux toilettes pis t'as graissé à cause de son décolleté, elle commande ton repas à ta place sans t'avoir demandé que tu voulais. Mais viens pas me faire croire que ça va te donner envie de la farcer, là, après ça. Ça mettra un beau maudit, ici, pis je chagrerai mon camp en laissant la facture. Mais c'est la même chose qui se passe avec nos médias, pis j'en ai plein le cul, quand... Ah, tabarnak. Excusez-moi, mais là, j'suis au restaurant, pis je recevrai une calice de commandes, là, par mon printer, là. Enfin, je vous laisse, mais... Ah, tu es trop pompé, check mon balai. C'est ce client-là, là, il va payer pour toutes les autres. Mais va chier dans son assiette. Il aurait jamais goûté ça, un bon ragoût de même, asti. Check mon bas, belle assiette, moi, y faire. Tiens, mon Christ, t'as faim? Je vais manger, asti, paysan. Va t'en faire manger de la merde, moi! Ah! C'est normal, hein, il fait ça une fois par semaine. Puis d'habitude, il s'en remet pour la semaine d'après. Habituellement. C'est reposant. Ça donne à réfléchir. Ouais. Je pense qu'on va aller aux nouvelles, hein, parce qu'il nous en reste 4 encore. Oui, il nous en reste 4, effectivement. Alors, y a les douaniers de l'aéroport de Dublin qui ont été surpris de trouver un chihuahua passé en contrebande dans le pays, dans un sac de voyage. Le petit chien est arrivé dans une cage à l'intérieur du sac d'un homme bulgare qui arrivait de Madrid. Le chien était un cadeau pour un ami du voyageur. Le chien a été trouvé après que les douaniers aient passé le sac au rayon X. Les officiers croyaient d'abord qu'il s'agissait d'un jouet de chien, vu sa position debout. Mais l'animal, finalement, était un vrai. Il semblait fatigué et en santé. Il a été mis en quarantaine. L'homme a pu passer la douane, mais sera poursuivi là, pour quelque chose. Pour chihuahua dans un sac. Ouais, c'est ça, exactement. Chihuahua illégal dans un sac. Faut les mettre dans un condom, puis dans notre rectum, si on veut passer le chihuahua. Ça marche pas dans un sac. Là. Job dans la toilette. Et en parlant d'actes illégaux, il y a 8 ans, un groupe d'hommes ont cambriolé Faye Olson à sa résidence. Portant un grand capuchon et armé d'un bâton, Peter Alec Cannon et ses complices sont entrés chez la femme de 71 ans et l'ont forcé à ouvrir son coffre-fort, se sauvant avec $550 australiens. Wow. Quand la police... Ça se passait en Australie. OK, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Je trouvais ça bizarre. Ouais. Quand la police est venue enquêter, les officiers ont trouvé une sangsue près du coffre. Les résultats d'ADN qui s'en sont découlés se sont retrouvés dans la base de données de la police de Tasmanie. Cannon s'en serait sorti s'il n'avait pas été accusé de trafic de drogue l'an dernier et n'avait pas donné d'échantillon d'ADN qui correspondait à l'ADN trouvé sur la sangsue. Cannon a plaidé coupable à des accusations de vol à main armée. Ah oh ben, voyons donc, mon gars. Ouais. C'est la sangsue. C'est la sangsue. Il paraîtrait que c'est une première. J'ai entendu dire. Aïe, aïe, c'est une histoire, ça. Ah, là, tu viens dans les deux. Je viens dans les deux. Il t'en reste deux. Il m'en reste deux. Le compte est bon. T'en lis-tu une autre ou on laisse Étienne mettre on des... On peut laisser Étienne mettre des... Oh, tu peux en faire une autre si c'était mieux. Non, non, il va le faire. Alors, écoute, là, je suis plugué puis tout, là. Alors... On va y aller avec quoi? On va y aller avec... OK, j'ai fait jouer plein de Sylvie Vartan. Oui. L'autre fois. Oh oui. Avec toutes sortes de bonnes reprises. Là, j'ai trouvé une toune que je pense que c'est pas une reprise. En tout cas, moi, je la connaissais pas autrement. Puis, je la trouve le fun parce que ça s'appelle Disco Tango. Entre parenthèses, Georges. Fait que ça peut pas être plus intéressant que ça. Puis, le principe du Disco Tango, c'est que c'est des couplets disco, un refrain tango, puis ça parle de Georges. Là, on est dans le couplet. Ah, OK. Kenneth Kefani Funky. Je m'amourais d'ennui dans la discothèque. Ça se passe dans une discothèque. À me faire du cinéma ou le fils du chèque. Fils du chèque. Métaphore. Une super Bugatti à soir à Miami. Attention, Georges arrive. Quand un homme en trapeau comme un Hidalgo. Un Hidalgo, on va chercher cette voix. Il me dit je suis Georges, le fils de Valentino. C'est en tango. Georges, je tangue comme un bateau. C'est mon bout préféré. Georges, je suis si faible entre tes bras. Oh, Georges, je suis une femme. N'en profite pas. Et voilà. Disco. Je comprends pas trop c'est quoi ça veut dire. Je suis une femme, n'en profite pas. Profite pas du fait que je suis une femme. Je sais pas trop. Qu'elle a un trou de plus. Peut-être. C'est quoi, elle peut-être conne? Ben oui, probablement. T'as-tu écouté sa toune? Ouais, c'est un disco tango. C'est super bon. C'est coupé au couteau à barre. On est dans le bout de disco, là. Ouais, là, c'est le bout de disco, là. Tout ça, le bout de disco. Ceux qui viennent juste d'arriver. OK, on l'écoute un autre... Un autre petit bout. Okay. On va se rendre à l'autre tango, là. On a... Quel concept, quand même. Il paraîtrait que c'était une première, ça aussi. On n'avait jamais mélangé ces deux choses-là de cette façon-là. Enfin, avec ces deux styles de musique que tout le monde haït. Ouais. Réunis dans une même chanson. Tango. Je tangue comme un bateau ivre. Un bateau ivre. Voilà. Non, je comprends pas c'est quoi ça veut dire, ça. Ben écoute, tu y écriras. Elle existe encore, c'est Sylvie Vartan, elle fait encore des disques. Mais c'est bien moins bon que dans ce temps-là. Voilà. Comment t'as appelé ça? Disco Tango. C'était non, pas non, mal meilleur avant. Non, c'est pas mal meilleur. Quand elle faisait des reprises de Eye of the Tiger. Oui, qui fait quelque chose, ça s'appelait. Ça, c'était bon. Sinon, à part de ça, j'avais parlé de... J'ai fait jouer, en fait, du Tonio Lachance la semaine dernière. Puis j'avais dit, il paraîtrait que c'est le cousin de Fidèle Lachance. Puis là, tout le monde me demandait mes sources, puis tout ça, puis je me rappelais plus. Donc, j'ai retrouvé mes sources en découvrant que finalement... Puis là, c'est officiel, c'est pour de vrai, c'est pas le cousin de Fidèle Lachance, c'est le petit cousin de Fidèle Lachance. Ah. Donc, comme le fils de son cousin. C'est un petit peu plus loin. Oui, je m'excuse. Et puis, bon, là, lui, il avait sorti une cassette où il fait ses chansons, puis il parle entre ses chansons, puis c'est comme tout un one take comme ça, c'est un peu informel. Puis bon, j'avais fait jouer Sarah en Grèce la semaine passée pour défier un peu Bruno à la console. Puis là, aujourd'hui, je vous ramène Guy Chauffe la Truie, qui est son autre grand succès. Autre soir au bar, Madeleine brille un coup de fort. Et puis soudain, on l'entendit crier, Guy chauffe la truie, je suis tout énervé. On dirait qu'il invente ça à mesure. Guy chauffe la truie, Ça s'est foiré en églé. Ce serait pas une première, ça. Guichot flatruit. Hey! C'est beau, hein? Pas que l'autre temps sec, mais de l'épinette, il fait ben trop fret. Chauffe! Chauffe! Chauffe! C'est pas normal. Chauffe la bain! Chauffe la bain, là! Ah oui! Guichot flatruit. Fait que ça, c'est son plus grand succès, hein, Guichot flatruit. Il fait chaud, on est ben, on se fout des voisins, un tirant mon roin, on s'entend ben. Voilà, fait qu'il y a une genre de morale ici. Fait que Tonio, la chance, lui, il habite à Saint-Robert-Bellarmin. Ça, c'est pour ceux qui se demandent, c'est tout près de Saint-Ludger. Voilà. C'est juste là que je me suis rendu dans mes recherches. Ah bon, tu pouvais pas aller bébé plus loin. Là. Voilà, tu tombais en bas de la terre. Ouais, c'était dangereux. Là, je tombais en bas des tortues. Fait que c'est ça. Sinon, Sarah Tengraisse, pour ceux qui se demandent, Sarah, c'est une jument. Il a fait ça en l'honneur de. Il parlait à la jument. Voilà. Qui était rendu à 2000 livres, apparemment, au moment où il a fait la chanson. Fait que, mais il lui recommandait de lâcher la tourtière puis la bière. Fait que, c'est... Fait que peut-être que c'était lui qui lui donnait ça, ouais, finalement. C'est quand même compréhensible qu'elle pèse l'eau, la jument. Ouais, c'est nourrir la tourtière puis la bière. Gîte de bouffe de jument. Là, du genre de jument chao normal qu'on donne. Du jument chao. Uh-huh. Sinon, un autre joyeux album, c'est un petit 45 tours que j'ai trouvé qui va être à l'encan douteux. C'est un album de Youpi. Parce que Youpi, moi, je pensais qu'il était silencieux. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il parlait pas. Ben, c'est ça. J'ai été surpris de voir qu'il y avait un côté instrumental sur le 45 tours, puis l'autre bar était vocal. Fait que là, je vous ai apporté ça. Ça s'appelle « Fais ton Youping ». Ce qui semble être une espèce de petite séance d'exercice simpliste. Ça va vraiment pas être facile, ça, j'ai l'impression. Tu vas voir, c'est bon, c'est joyeux, c'est Take Me Out to the Ball Game, puis c'est de l'ambiance, puis tu vas avoir le goût de boire de la bière à 12 piastres. Puis on va entendre la voix de Youpi. Amène-la! Youpi, il y a une voix comme on pourrait s'attendre. À part du fait qu'on s'attend qu'il n'y en ait pas, là. Ouais, c'est ça, moi, je m'attends vraiment à rien, là. Au réveil, ouais, okay, c'est bon. Ah, ça fait un peu. Pas en clair ou sans soleil. Fais ton Youping. Découvert la gauche, découvert la droite. Youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi. Tous les amis de Youpi font du Youpi. Comme les amis. On peut le faire à la maison. C'est très facile. Découvert la gauche, découvert la gauche, découvert la droite. Un autre vers la droite. Youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi. Fais ton Youpi. Viens ton Costa d'Olympique. Fais ton Youpi. Un petit couvert la gauche. Pas pour ça. Un petit couvert la droite. Et Youpi, Youpi, Youpi, Youpi, Youpi, Youpi, Youpi. Une petite question à nos amis de Belzébrut. Oui. C'est quoi vous pensez du Youping? Est-ce que vous en faites des fois? Avant vos shows? Tous les matins, qu'a dit Amélie? En fait, moi, j'ai souvent surpris les gosses en se réchauffant avant de faire des spectacles, ben, en faisant du Youping. Ils voulaient pas trop le dire. Moi, Eric, quand on est en tournée, on dort en cuillère dans un costume de Youpi. Petit coup à gauche. Un petit coup à droite. Youpi, Youpi, Youpi, Youpi. Moi, je verrais Cœur de pirate faire une reprise de cette tournée. Hey, je l'ai entendu chanter pour la première fois la semaine passée avec les maisons. Les maisons boîte à surprise. Hey, ça me tape ses nerfs pour mourir. On dirait qu'il y a un coup de venir à chaque fois. C'est bizarre, hein? Fatigant! Pourtant, c'est pas la réaction normale. Mais non! Moi, on me tape vraiment pas ça. Mais non! Hey, puis c'est quoi? J'avais une autre super bonne question à poser. Ah oui, jouez-vous à Magic? Non. Non. Ah, c'est une bonne réponse. Question, hein? Non, c'est une bonne réponse. Ouais. Répondre, bravo. Ben, c'est une bonne question, je veux dire, on ne sait pas quoi répondre. Non, c'est ça. Non, vous ne jouez pas à Magic? Non. Magic, non. The Gathering, là, les cartes là, en tournée, ce serait le fun, me semble. Non, non. Là, on boit. De quoi tu veux manger? On mange la bouffe de tournée aussi beaucoup. Okay. Manger de tournée. Ouais. Manger de tournée, oui. Manger de tournée. La tourtière et de la bière. Oui, puis on est arrêté à manger de la même. Un jour, on a arrêté chez Wendy's. Ouh, on fera carré. Plus jamais ça. Ah non, hamburger non, carré pourtant. Ah, c'est dégueulasse. Particulier, non? C'est particulièrement mauvais. Je suis pas sûr que c'était Wendy's tant que le fait que c'était le dernier arrêt. avant ouais, de mais revenir. C'était particulièrement c'est mauvais. C'est bon, Wendy. Ben oui, ils ont des patates au four. Ben oui, puis ils peuvent changer les frites pour du chili. Ouais. Hein? Ouais. Ah, on n'a pas pensé à ça. Hein? C'est quoi, là, tu viens ici à notre émission, Charlie contre Wendy's? Là. Là, c'est ça. Ben écoute, oh, c'est votre commanditaire. Tu veux nous faire perdre nos commanditaires. Fait qu'on va pouvoir aller les voir, puis on va lui dire qu'on les a défendus devant des stars. Fait qu'elles vont voilà. dire qu'on... Ben, c'est vous autres, c'est Jocelyn. Ben oui, ben oui, ben oui. Des shows à Windsor, moi, je n'ai jamais fait. Mais... Non, moi non plus. Hein? Puis tu vois les States, le rendu là. Ouais, ouais. Oh oui, on est allé. On est allé à Détroit. On est allé. On a fait un show à Détroit. Non, ben oui, non. En fait, oui, oui, en fait, oui. La douane nous a pas cru quand on leur a dit qu'on allait visiter Détroit. Ils se sont demandé pourquoi on allait là. Là ouais, puis on était louches. Mais quand on est arrivé là-bas, on a compris. C'est pour les usines de voitures. On s'en va visiter des usines de voitures. Non, c'est parce que c'est Hockey Town. Ah! Fait que j'ai dit, on est de Montréal, en anglais. OK. We're from Montreal. Oh, c'est bon, c'est comme ça que ça se dit. Puis là, il me regardait. Puis il dit Détroit, Hockey Town. OK, ah oui. T'as laissé passer par des pistes. On est revenu une heure et demie plus tard. On a pris une bière, on a regardé. Les Détroit. Yeux pleins d'étoiles. C'est un genre de Walt Disney. Avec des cadenas. C'est Walt Disney plus brun. C'est là, ça, il y a une autre thématique. Une thématique caniveau. Les pauvres sont vraiment bien réussis à Détroit. Les ouais, pauvres. Les pauvres. Ils sont drôles, le monde de Belzébrut. Hein. Oui, quand même, on devrait les inviter à chaque hey, fois. Moi, je t'ai coupé, Étienne, parce que tantôt, on va remettre un bout. Je vais écouter un petit bout de Vidéoville. Là. On va remettre de tes tounes après pendant d'accord. que Bruno va lire ses deux dernières. Bon. Puis pensez à une question à poser à nos invités, là, puis vous autres, les invités, vous pensez à une réponse. Non, non, non, non. Non, non. Genre, non. À un indicatif. Oui, là, avec genre, le 70%. Ah, c'est ça. Ouais, un indicatif, il faut faire un indicatif. Okay, ouais, on fait ça live, nous autres, parce qu'on voit comment vous travailler en équipe. Ah oui, c'est ça. Vidéoville, des gars, des filles, un salaud, c'est inspiré ça. De Simon Boisvert, un maître à penser montréalais. C'est ça. You gotta hold on to what you got. Vous venez d'entendre 70% d'un début de toune. Ouais. C'est concept. Belles et brutes. Merci. C'était John Bon Jovi. Ah, hein, plus. Ouais. C'est quoi votre tune préférée de Bon Jovi, vous autres? Ça, c'est Living on a Prayer. Ouais. Mais moi, c'est Wanted Dead or Alive. Mais ouais. Je pense qu'il faut dire quelque chose quand même. Ouais. C'est la seule que je suis capable de tenir. Oh, ouais. Ouais. Ça va à peine. Ok, ben, c'est parce que c'est bon parce que Jocelyn, il a déjà fait des tributes à Bon Jovi. Mon groupe s'appelait Cobalt. Cobalt. Comme le Chevrolet. Fait que là, notre idée, c'est de faire un groupe cover, un groupe hommage à Cobalt. Ah, c'est bon ça. Ça pourrait être Topaz. Groupe cover de cover, c'est bon. C'est du métacover. Moi, j'aurais voulu faire un groupe de cover de Détroit qui ferait des tunes de Chicago. Ouais, ça serait hot. À Montréal. À Montréal, oui. Wow, man! Hockey Town qui s'en va vers celui qui connaît le moins ça, qui va vers la place où tout le monde est le plus déçu. Ouais, c'est en tout cas pourquoi j'ai impliqué le hockey là-dedans, Bruno? Chris, c'était le cul-de-sac. C'était une bonne question. Non, ah ouais, non! Pose des questions. Là. Ben moi, je n'ai posé une question. Là. C'était quoi la main? Ah, c'est vrai. Moi, je vais poser une question plus sérieuse là, parce que ça a l'air que c'est moi qui fais que fasse ça. Je suis pas habitué, mais c'est ça. Vous diriez que c'est quoi qui vous a donné le goût de faire ça? Puis c'est quoi qui vous inspire dans vos shows et dans vos rigolades que vous faites? Là? Passez moi. C'est vraiment toi qui as starté. Toi, t'es la muse. T'es l'inspiration de tout le monde. C'est une bonne question parce que, en fait, ça, c'est la question qu'on se pose tout le temps quand on fait de l'art. T'sais, pourquoi qu'on continue à faire de quoi? Parce que, dans le fond, nous autres, on n'a pas une maudite scène. T'sais, on n'a pas une subvention. C'est pas pour l'argent. C'est vraiment pour le trip d'être ensemble. Vous avez l'air d'avoir bien du fun ensemble. Ouais, ben, c'est ça qui est important. Puis, on dit souvent qu'on est contagieux. Puis ça, je pense qu'on essaye de travailler là-dessus parce que c'est une affaire qu'on aime faire, tu sais. Puis nos shows, ben, sont orientés vers ça, la contagion, dire amusez-vous avec nous, là. Ça se sent beaucoup à l'image de ce qu'on est ensemble dans la vie. Ouais. Que... Et voilà. Moi, j'ai une autre question pour vous autres. Mettons que vous veniez juste de vous rendre compte que quelqu'un avait collé une gomme sur votre siège, là, mettons, là. Comment que vous réagiriez? Je dirais Calis. Ok, c'est bon. Pierre-Yves, il fait des jokes avec ça. Hey, Jocelyn, Caroline, Eric, Amélie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. La seule condition pour repasser à 70%, c'est d'avoir réussi à toffer une émission complète. Vous êtes correct. Vous êtes sur le point de se faire. Étienne, parle-moi une toune pendant que Bruno il lit ses nouvelles de la fin. Je vais partir une toune d'Halloween parce que l'Halloween s'en vient. Une toune d'Halloween. Pendant qu'on est terrorisé, Bruno Corbin. Oui. Alors, Maison d'Envie, un bordel de Berlin, tente de faire sa part pour l'environnement. En effet, le bordel offre un rabais de 5 euros à quiconque se rend à l'établissement à bicyclette ou en transport en commun. Il est très difficile de trouver du stationnement dans le voisinage et c'est le meilleur moyen pour protéger l'environnement, a affirmé Thomas Gutz, propriétaire de Maison d'Envie. Les résidents du coin accueillent à bras ouverts l'initiative environnementale du bordel. Les bordels de Berlin ont vu le commerce décliner depuis la récession puisque les clients habitués viennent moins souvent et que les conférences et voyages d'affaires sont moins fréquents. Les clients qui arrivent à pied n'ont pas de chance, par contre, parce que les propriétaires n'ont pas encore trouvé de moyen de prouver qu'un client est arrivé à pied. C'est genre, tu demandes à quelqu'un, peux-tu me donner ton billet de bus, je vais me faire rembourser 5 euros. Exactement. C'est un bon truc. C'est fabuleux. Un autre, une petite dernière. Alors, l'équipe de marketing, l'équipe de marketing de Toyota a créé un jeu de réalité virtuelle dans lequel une personne était supposément traquée par un criminel qui lui envoyait des emails menaçants disant qu'il s'en venait chez elle, contre-vérifié par des choses comme MySpace et par des factures d'hôtel que le criminel aurait vandalisées en route. Une femme ignorant qu'elle participait à un tel jeu a vécu 5 jours dans la terreur avant d'apprendre la vérité. Et ensuite, poursuivre la compagnie. La femme était si terrifiée qu'elle aurait contacté ses voisins, amis et famille, ainsi que l'occupant de son ancienne maison, les informant de faire attention car un homme pourrait se présenter chez eux. La défense de Toyota, la femme avait rempli un sondage sur Internet et leur avait donné la permission de lui envoyer des publicités et autres communications. Ah, ça rentre là-dedans. Voilà. C'est une grosse menace. Autre communication. Exactement. Aïe. Moi, je dis non coupable. Hey, puis ça, c'est encore Génération Passe-Partout, hein, mon taquin? Eh oui, c'est Alpha Rococo qui me chante des fois, j'ai peur. Hey, c'est pas une chanson pour enfants, s'il vous plaît. C'est plein de bonnes idées. Merci beaucoup à vous autres. Vous pouvez dire merci une dernière fois. Vous levez et procédez. Moi, je vais aller la dernière partie de mon texte. Merci une dernière fois. Merci. C'était super cool. On s'en va au brouhaha. Si vous voulez, vous pouvez venir. Il y a plein de places, puis il y a plein de bonnes bières, puis il n'y a pas de bons films. Et voilà, puis là, ben, je me ramasse en solitaire. J'aime tellement ça. Les autres, ils lèvent ça. Ils sont forts. 70%, donc, Tommy Godette au micro. Je vais vous parler un petit peu, pas longtemps, des objectifs de l'organisme de douteux.org, parce que c'est quelque chose qu'on a, comment dire, on s'est dit, on va les remettre de l'avant un peu plus. Développer le réflexe du questionnement par rapport à la culture de masse et éliminer l'acceptation automatique des idées reçues. Illustrer l'immense variété et l'incroyable omniprésence d'éléments douteux dans les médias, même les plus récents, même ceux à très haut budget. Développer chez l'auditoire le réflexe de questionnement par rapport à ce qui est présenté, susciter des conversations et des débats entre les auditeurs et offrir des expériences de visionnement enrichissantes, en présentant ce que les médias de masse ont de plus douteux à offrir. Rendu là, c'est important de ne pas perdre ça de vue. Quand on embarque avec nous, Tommy Godette pour douteux.org, je vous laisse avec la séquence de la fin. Il y a toute une place dans un film d'horreur où quelqu'un t'amène de l'information pour tout te manger ça. On est rendu là. Wesh, il était une fois le diable au brouhaha. Pas facile. Alors patron, on attend les touristes? Oh non jeune homme, les seuls rares visiteurs qu'on rencontre encore par ici sont des personnes comme vous. Les égarés. Les visiteurs, un jour, ou plutôt une nuit comme celle-ci, nous viendrons. Et prions le bon Dieu de n'être plus là pour les recevoir. Allons, Louise, cesse de dire des absurdités, tu veux? Des absurdités, oui, bien sûr. Il y a 10 ans, lorsque la ferme des Trois Chênes a brûlé par une nuit de tempête, sous une pluie diluvienne, c'était aussi des absurdités. Un accident? Bien sûr, mais personne ne l'a jamais prouvé. Il n'y a pas seulement 2 ans, ces 3 patrons pêcheurs qui ont disparu, corps et bien, alors que l'océan était on ne peut plus calme. Et toujours à la même époque. Tu sais bien que la liste serait longue si l'on voulait raconter toutes les étranges catastrophes qu'il y a chaque année, avant, pendant et après l'équinoxe. Mais que voulez-vous dire? Que se passe-t-il à l'équinoxe? Oh, on raconte qu'il y aurait 1, peut-être 2 siècles, lorsque des bateaux faisaient route près de nos côtes afin d'éviter les tempêtes de haute mer. Surtout à l'équinoxe. Vous savez où le jour est égal à la nuit. Les marées sont les plus fortes de l'année. 5 frères ont voulu tenter l'expérience des feux de rocher. Une ancienne pratique que les bandits utilisaient à l'époque. Il s'agissait d'allumer de grands feux sur les plus dangereux récifs, afin que les bateaux viennent s'y échouer. Puis ils massacraient les rares survivants jusqu'au dernier. Ils s'emparaient des cargaisons. Bateau anglais qui frétait la route des Indes et qui aurait, paraît-il,